الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. قال شيخنا الشيخ عبد الله حفظه الله رضي الله عنه فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وقال أيضا ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة. Notre cher Cheikh Abdullah, que Allah l'agré, a dit, il a été confirmé que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih de Al-Bukhari إنما الأعمال بالنيات. Les actes valent par leur intention. Et il a dit également ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة. Rapporté également par Al-Bukhari, qui signifie ce que le musulman dépense pour subvenir à la charge de sa famille, s'il le fait en espérant obtenir des récompenses de la part de Allah, ce sera compté pour lui comme une aumône. معنى هذين الحديثين أن الإنسان ليس له ثواب بأعماله إلا بالنية. Le sens de ces deux hadiths est que l'être humain n'aura des récompenses pour ses œuvres que avec l'intention. وعلى هذا فما ينفق الرجل على أهله إن كان نيته التقرب إلى الله فهو الصدقة. En conséquence de quoi, ce que l'homme dépense pour sa famille, sa femme et ses enfants, s'il le fait dans l'intention d'obtenir des récompenses de la part de Dieu, ce sera compté pour lui comme une aumône. أي يكون له ثواب الصدقة على الفقير. C'est-à-dire qu'il aura comme une récompense, comme s'il avait fait une aumône à quelqu'un de pauvre. نفقته التي ينفقها على زوجته كأنه تصدق بها على فقير. La charge qu'il a dépensée pour subvenir pour sa femme, c'est comme s'il avait fait une aumône à quelqu'un de pauvre. والصدقة على الفقير فيها أجر عظيم. Et l'aumône en faveur du pauvre est quelque chose qui comporte une récompense éminente. كذلك ما ينفقه على أولاده. Et la même chose pour ce qu'il dépense en tant que charge pour ses enfants. كذلك ما ينفقه على غيرهم إن وجدت النية أي نية التقرب إلى الله في هذا الفعل من غير ضم الرياء إلى ذلك أي محمدة الناس. Il en est de même de tout ce que, toute charge qu'il dépense pour autre que sa femme et ses enfants, par exemple ses parents, s'ils sont pauvres. Toutes les charges qu'il paye, s'il les fait avec la bonne intention, c'est-à-dire l'intention de rechercher les récompenses de la part de Dieu, sans que ne soit liée à cela la recherche de l'éloge des gens. من غير أن ينضم إلى ذلك الفخر يكون له ثواب الصدقة على الفقير. Tant qu'il n'a pas lié à cela la recherche de la vanité, il aura une récompense comme s'il avait fait une aumône à quelqu'un de pauvre. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحتسبها علمنا أنه لا يكون له ثواب ما ينفقه الرجل على أهله إذا لم يكن محتسبا. ما معنى محتسبا؟ أي طالبا للأجر من الله. المحتسب هو الذي يطلب الأجر من الله. Lorsque le messager صلى الله عليه وسلم a utilisé un terme en arabe dans le hadith يحتسبها, qu'est-ce que ça veut dire يحتسبها? Nous avons appris que la personne n'aura pas de récompense quand elle va subvenir à la charge de sa famille, de ses enfants, sans cette intention. C'est-à-dire sans qu'il n'ait une recherche, la récompense de la part de Dieu. أما هؤلاء الذين ينفقون على أهليهم وأولادهم بغير هذه النية فليس لهم فيها ثواب. Quant à ceux qui subviennent aux dépenses de leur famille, de leurs enfants, sans cette intention de rechercher les récompenses de la part de Dieu, ils n'auront pas de récompense dans les dépenses qu'ils engagent. مهما تعبوا في ذلك ليس لهم ذلك. Quel que soit l'effort qu'ils fournissent, les dépenses d'un grand montant qu'ils font, ils n'auront pas de récompense pour cela. مع أنهم أدوا الفرض لأن النفقة على الزوجة فرض والنفقة على الأولاد الذين لم يبلغوا فرض. Même si, du point de vue de l'obligation, ils sont déchargés de l'obligation, parce que subvenir à la charge de l'épouse, c'est une obligation. Subvenir à la charge des enfants qui n'ont pas atteint la puberté, c'est une obligation. Donc ils se sont libérés, déchargés de l'obligation. Donc, certes, ils se sont libérés de l'obligation, mais ils ne vont pas gagner de récompense. Car la condition pour avoir des récompenses, c'est l'intention. ثم النية إذا لم تكن لله تعالى فهي ليس فيها منفعة. Par ailleurs, l'intention, si ce n'est pas une intention pour l'agrément de Dieu, elle n'est pas bénéfique pour la personne, elle n'est pas profitable, la personne ne va pas tirer profit. الذي ينوي بنفقته على أهله وأولاده أن يقول الناس عنه إنه ينفق على أهله بتوسعة يوسع عليهم هذا ليس له ثواب. Celui dont l'intention, quand il subvient à la charge de sa femme, de ses enfants, que les gens disent de lui, ah, c'est quelqu'un qui ne lésine pas en moyens, lui, il est très généreux avec sa famille, avec sa femme et ses enfants. Si telle est son intention, il n'aura pas de récompense. بل عليه وزر لأن هذا رياء. Non seulement il n'a pas de récompense, mais il se charge d'un péché, parce que un tel acte, c'est un riya. Riya, c'est l'insincérité, c'est un grand péché. يعني أراد أن يمدحه الناس بقولهم فلان يعيش أهله بالتوسعة لا يبخل عليهم. Parce que son intention, quand il subvient à la charge de sa femme et de ses enfants, c'est que les gens disent de lui, un tel fait vivre sa famille dans le luxe, dans le confort, il n'est pas avare avec eux. ليس له ثواب لما نواه من مدح الناس له بل عليه وزر كبير. Il n'aura pas de récompense en raison de ce qu'il avait eu comme intention d'éloge des gens pour lui. Au contraire, il est chargé d'un grand péché. الرياء من أكبر الذنوب بل الرسول صلى الله عليه وسلم سماه الشرك الأصغر. L'insincérité fait partie des plus grands péchés. Le messager عليه الصلاة والسلام l'a appelé l'association mineure. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر معناه يشبه الإشراك بالله في عبادته لغير الله. Ainsi, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « Préservez-vous de l'insincérité, car c'est l'association mineure. » C'est-à-dire qu'il ressemble au fait d'attribuer des associés à Dieu, d'adorer autre que Dieu. « Yushbihuhu, lakin laysa mitlahu ala tamam. » Ça ressemble, mais ce n'est pas exactement pareil. « Lianna hadha laysa kufran, amma shirkul akbaru fahuwa ra'asul kufri. » Parce que l'insincérité, ce n'est pas une mécréance. Par contre, adorer autre que Dieu, c'est l'association majeure. C'est une grande porte de mécréance. C'est une grande mécréance. لكن من الناس من ينفقون على أهليهم سنين طويلة وعلى أولادهم كذلك ولا يحتسبون في نفقتهم أي لا يطلبون الأجر من الله بدون رياء أو فخر فهؤلاء ليس لهم ذرة من الثواب مهما كثر تعبهم على أهليهم. Il y a des gens qui prennent en charge les dépenses de leur famille, durant de longues années, leurs femmes, leurs enfants, mais quand ils font ces dépenses, ils ne recherchent pas la récompense de la part de Allah. Et ils n'ont pas non plus d'insincérité, ils n'ont pas de vanité. Eh bien, ces gens-là n'auront aucun grain de poussière de récompense, quel que soit l'effort qu'ils ont fait et la fatigue. مهما كثر تعبهم على أهاليهم أي على أزواجهم وأولادهم ليس لهم من الثواب على هذا الإنفاق. Même quel que soit l'effort qu'ils ont fourni pour leurs femmes, pour entretenir leurs femmes, leurs enfants, ils n'auront pas de récompense pour les dépenses qu'ils ont faites. أليس هذه خسارة كبيرة؟ N'est-ce pas là une grande perte؟ يتعب الرجل يتعب بتحصيل نفقة زوجته وأولاده سنين طويلة ثم لا يحصل له شيء من الثواب بل هذه من أعظم الخسارات. Donc l'homme, il se fatigue pour gagner la vie, pour avoir la dépense de sa femme, de ses enfants, et il n'obtient aucune récompense. C'est une grande perte. ينوي كل يوم أو ينوي مرة ثم لا يغير نيته يبقى على الإخلاص. Quelle est la solution? Chaque jour, il met l'intention. Il dit, je travaille pour gagner ce qui va me permettre de subvenir à la charge de ma femme et de mes enfants. Ou, il met l'intention une fois et il ne la change pas. C'est-à-dire, il reste toujours sur cette intention sans qu'elle ne soit altérée par une intention d'insincérité qui annule l'intention de départ. فَمَا لَمْ يُغَيِّرْ نِيَّتَهُ بِإِدْخَالِ الرِّيَاءِ فِيهَا أَوْ الْفَخْرَ تَبْقَ نِيَّتُهُ الْأُولَى فَاعِلَةً. Tant qu'il n'a pas changé son intention, que son intention de départ n'a pas été altérée par l'insincérité ou par la vanité, il reste, l'intention la première fois qu'il l'a faite reste effective. النية الواحدة تنفعه لكل المستقبل. لو لم يكررها على الاستمرار لله تعالى لا رياء ولا سمعة ولا فخرا. هذه تكفي للمستقبل. La première intention suffit pour tout l'avenir. Même s'il ne l'a pas refaite. Tant qu'il n'y a pas d'insincérité, ni de recherche de réputation, ni de vanité qui est intervenue, la première intention suffit pour tout l'avenir. وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ الَّتِي تُنْفِقُ الْأَمْرُ كَذَلِكَ. Et même si c'est la femme qui subvient à la charge de ses enfants ou bien de ses parents qui sont pauvres, la même chose, elle met cette intention. كذلك تحصيل المال بطريق الحلال فهو عمل حسن. Également gagner sa vie d'une voie licite, d'une voie qui n'est pas interdite, ça c'est quelque chose de bien. لكن إن كان للفخر أي كان نيته أن يجمع المال للفخر أي أن تكون نيته حتى يقول الناس عنه فلان صار غنيا هذا السعي في طلب المال معصية كبيرة. Par contre, si il travaillait pour la vanité, c'est-à-dire son intention c'était de collecter de l'argent pour être vaniteux, c'est-à-dire son intention est que les gens disent de lui un tel est devenu riche, eh bien ses œuvres qu'il fait, ce travail qu'il fait, tout l'effort qu'il fait pour gagner la vie est un grand péché. كان رجل ممن كانوا قبل هذه الأمة الأمة المحمدية. الرسول أخبر عنه أنه خرج لابسا بردين معجبا بهما. Il y avait un homme qui a vécu dans une des communautés qui a précédé la communauté de notre maître Mohammed, cette communauté à laquelle nous appartenons, alayhi salatu wassalam. Le messager nous a parlé de cet homme. Il était sorti portant deux capes. Il était tout fier de ce qu'il portait. وسرح شعره إعجابا بنفسه. Il s'était coiffé les cheveux, il était tout content de lui-même. فبينما هو سائر وهو معجب بنفسه يمشي مشية المختار المتكبر الله أمر الأرض ابتلعته. Alors qu'il marchait sur terre, il était imbu de lui-même, il marchait à la manière de celui qui était tout fier, tout imbu de lui-même. Allah a ordonné à la terre de s'ouvrir et de l'ensevelir. فهو ذاهب في عمق الأرض إلى يوم القيامة حتى الآن. Il est en train de s'enfoncer chaque jour jusqu'au jour du jugement. Même maintenant, il est en train de s'enfoncer. فالذي يلبس لباسا جميلا للفخر فهو فاسق من أهل الكبائر. Celui qui porte de beaux vêtements par vanité, c'est un grand pécheur, c'est un fasiq, un pervers, un grand pécheur. أما في ساحة المعركة المسلم إذا صار يمشي مختالا حتى يتصور الكفار في أنفسهم أن المسلمين نشطاء حتى يدب الرعب في قلوبهم هذا فيه ثواب. المسلم لما يفخر أمام الكافر هذا يكون عملا لوجه الله، هذا لإرهاب الكافر حتى يقول الكافر المسلمون أقوياء فيهم نشاط. في غير ذلك مشية التكبر حرام من الكبائر، الذي يمشي مشية الكبر يمد يديه. Mais si c'est en face de quelqu'un qui n'aime pas l'islam, si un musulman marche devant lui d'une manière où il est fier de lui, pour que ce non-musulman pense que les musulmans sont forts, sont rigoureux, là il n'y a pas de péché. Pour qu'il dise les musulmans sont forts et sont rigoureux. Mais dans d'autres contextes, l'orgueil est interdit, c'est un grand péché. فالذي يسعى في جمع المال من طريق الحلال إن كانت نيته حسنة ولم يقترن بها رياء ولا عجب ولا فخر فإنه في سبيل الله. Celui qui œuvre pour gagner sa vie d'une voie licite. Si son intention était bonne et qu'il n'est pas intervenu d'insincérité, il n'est pas intervenu d'infatuation, il n'est pas intervenu de vanité, alors il est comme celui qui est sorti dans la voie qu'Allah agrée. الذي يجمع المال من طريق حلال ليستعمله فيما يرضي الله لينفقه فيما يرضي الله في نفقة الأهل والأقارب وخدمة الفقراء وأصحاب العاهات. إذا كانت نيته في تكثير المال بطريق الحلال لينفقه في هذا فهو في ثواب مستمر دائم. Donc celui qui gagne de l'argent d'une voie qui est licite pour l'utiliser dans ce qui fait gagner l'agrément de Allah, pour le dépenser dans ce que Allah agrée, pour le dépenser pour la famille, pour les proches parents, pour être au service des pauvres, pour être au service des gens qui ont des handicaps, des maladies. Si son intention de gagner encore plus d'argent d'une voie licite, c'est pour le dépenser dans ce poste-là, alors c'est quelqu'un qui est en train de gagner tout le temps des récompenses. وما أكثر من لا ينتبهون لهذا. Malheureusement, beaucoup de gens ne font pas attention à l'intention. إن لبسوا يلبسون اللباس الفاخر للفخر. Quand ils portent des vêtements, ils portent des vêtements luxueux par vanité. وإن بنوا يبنون للفخر. Quand ils construisent une maison, ils construisent une maison par vanité. ما أكثر هؤلاء في الناس. Combien de telles personnes sont nombreuses à notre époque. وما أكثر كذلك من يسعى لجمع المال للوصول للفخر في المستقبل. Combien sont nombreux ceux qui essayent de gagner de l'argent pour faire preuve de vanité dans le futur. وهذا في من يسعى لجمع المال بطريق حلال. Et encore, ça c'est le cas de ceux qui essayent de gagner de l'argent d'une voie licite. أما من يسعى لجمع المال من طريق حرام للفخر فهذا ذنبه مضاعف. Quant à celui qui va essayer de gagner l'argent d'une voie interdite pour la vanité, son péché il est au carré. أما إن أنفق الشخص على نفسه من حلال حتى يقوى على أداء طاعة الله. Quant à celui qui dépense pour lui-même, il subvient à ses propres dépenses à lui d'une voie licite. Pour, il se dit, moi, par exemple, je m'alimente pour avoir plus de force pour l'obéissance à Dieu. يَكْسُ نَفْسَهُ وَيُطْعِمُ نَفْسَهُ لَهُ ثَوَابٌ. Donc, il dit, je me vêtis pour avoir plus d'obéissance, pour être plus fort pour l'obéissance à Dieu. Je m'alimente pour avoir plus d'obéissance à Dieu. Il a des récompenses en gagnant sa vie d'une voie licite et il fait ses dépenses dans cet objectif-là, avec grâce à l'intention. رجل من الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي دينار il y a un compagnon qui a posé la question au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, au messager de Allah, j'ai un dinar, une pièce d'or. Le messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ce qui signifie, dépense-le pour tes propres besoins. Il lui a dit, j'ai un deuxième dinar. Le compagnon lui a dit, j'ai un deuxième dinar. Le prophète lui a dit, ce qui signifie, dépense-le pour ta femme, c'est-à-dire pour ton épouse. Il lui a dit, j'ai un troisième. Il lui a dit, dépense-le pour tes enfants. Il lui a dit, j'ai un quatrième. Il lui a dit, dépense-le pour ton serviteur, c'est-à-dire ton esclave, homme ou femme. Il lui a dit, j'ai encore un autre, un cinquième. Le prophète lui a dit, ce qui signifie, toi, tu sais mieux dans quel usage tu en fais. Ma'nahu anta fakir man huwa awla hutta hadha ad-dinara 'inda. C'est-à-dire, toi, réfléchis, qui mérite plus que tu places ce dinar dans cet usage-là. Hava rawahu al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad. Wa fi riwayatin anta a'lam, ay fa man ta'lam annahu ahwaj a'tihi. Et dans une autre version, toi tu sais le plus, c'est-à-dire celui que tu sais être le plus dans le besoin, alors donne-lui. Cette version est rapportée par Ibn Hibban. Lamma qala ala awladika yufhamu min dhalika alwalidan kadhalika min bab al-ishara. Donc quand il lui a dit c'est tes enfants, on comprend également tes parents. Wa fi hadha al-hadith bayan min al-muqaddam fi al-infaq. Man al-muqaddam fi al-infaq? Et dans ce hadith, il y a l'indication de qui est prioritaire pour qu'on subvienne à sa charge. فيه أن الرجل إذا لم يكن عنده مال يكفي لنفقته لنفقة نفسه ونفقة زوجته أنه يقدم نفسه. Donc, dans ce hadith, nous comprenons que si quelqu'un n'a pas suffisamment d'argent pour sa charge, ses dépenses à lui et les dépenses de son épouse, il se priorise lui-même. معناه لا يجوز أن يضر نفسه بالجوع من أجل زوجته ينقذ نفسه. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas permis qu'il nuise à sa propre santé en s'affamant pour nourrir juste sa femme. C'est-à-dire s'il a juste un plat, donc il ne faut pas se nuire à lui-même. Il se sauve d'abord lui-même. لكن إذا كان عنده ما يفضل عن حاجته الضرورية تقدم الزوجة على الأولاد وعلى الوالدين. Mais s'il a plus que sa nécessité à lui, l'épouse est prioritaire sur les enfants et les parents. Al-waladu wal-walidani fi darajatin wahida, lakin ma'a farqin khafif. Les enfants et les parents sont au même niveau, avec une légère différence. In kanu atfalan yukhsha 'alayhim ad-daya', yuqaddamu al-awladu qabla al-walidain. Si ce sont des enfants, c'est-à-dire en bas âge, on craint qu'ils ne meurent, on priorise les enfants sur les parents. وأما إن كان يخشى الضياع على الوالدين والأولاد فيكونون في درجة واحدة. Par contre, s'il craint que aussi bien les parents que les enfants ne meurent, alors ils sont au même degré de priorité. شوف الإنسان لما يتعلم تتنور بصيرته. Quand la personne apprend, il connaît les règles. أما الذي يعني يتبع هوى نفسه قد يقبح الحسن ويحسن القبيح. Quant à celui qui suit ses propres passions, il se peut qu'il va enlaidir ce qui est bon et il va embellir ce qui est mauvais. Voilà, yadu billahi ta'ala. Qala al-shaykh rahimahullah usi bithalat. Notre shaykh, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, je recommande trois choses. Taqlil al-kalam. وترك التنعم وترك الغضب. De ne pas trop parler, de ne pas profiter de beaucoup de superflu et de délaisser la colère. Trois choses. التنعم هو الإكثار من المباحات. Le superflu, c'est le fait de profiter beaucoup des choses qui sont autorisées. وترك الغضب أي لغير الله. délaisser la colère, c'est-à-dire pour autre que Dieu. ترك التنعم هذا عمل الأنبياء والأولياء. Le fait de délaisser le superflu, c'était la conduite des saints et la conduite des prophètes. هذا مقام كبير يصعب على النفس. Le fait de délaisser le superflu, c'est un très haut degré qui est difficile pour l'âme. كان عيسى عليه السلام يلبس الشعر أي الصوف الذي يخرج من الغنم من غير أن ينسد وغير ذلك. Notre maître Isa alayhi salam, tellement il était détaché du bas monde, il ne recherchait pas le superflu, il s'habillait de la laine qui poussait sur les animaux, sans qu'on la tisse, qu'on en fasse des fils et un tissu comme aujourd'hui. D'accord? Il était brut, cette laine. Wa kana ya'kulu shajar ay min buquli al-ard min nahwi al-mulukhiyya wal-hindaba min duni tabkh. Et il se nourrissait des plantes de la terre, comme la fleurette et le pissenlit et autres, sans que ce ne soit cuit, préparé. كان يبيت حيث يدركه المساء. Notre maître Aïssa, il dormait là où tombait la nuit. كان يبيت في المسجد وكان يسمونه بيعة في أو يبيت في البرية. Soit il dormait dans la mosquée, à une autre époque il s'appelait بيعة, ou il dormait directement là-dedans à l'extérieur. فعليكم قال الشيخ بتقليل التنعم. Le cheikh nous a incité à ne pas, si on ne délaisse pas complètement le superflu, diminuons de ce superflu, essayons de diminuer. السبب في ترك الأنبياء والأولياء التنعم أنهم ينظرون إلى راحة مستقبلهم. Quelle est la raison pour laquelle les prophètes et les saints abandonnaient le superflu? C'est que eux, ils pensaient au futur, à l'au-delà. Par ailleurs, le fait de délaisser le superflu aide à avoir de la compassion envers autrui. Ça aide à être solidaire envers les autres. الغضب هلاك يفسد على الشخص دينه ودنياه. La colère est une cause de la perte. La colère va corrompre pour la personne sa religion et son bas monde. عليكم بترك الغضب. يهدم الدين بعض الناس بسبب الغضب يكفرون. Délaisser la colère. La colère détruit la religion. Certains, à cause de la colère, dans la mécréance. من ملك نفسه عند الاستشعار من نفسه بالغضب سلم ونجا من الهلاك لأن الغضب يسبب الكفر. Celui qui arrive à contenir son âme quand il sent de lui-même la colère, il est sauvé, il est protégé de la perte, car la colère entraîne la mécréance. كثير من الناس يكفرون عند الغضب يسبون خالقهم أو يسبون شعائر الإسلام كالصلاة ونحو ذلك. Beaucoup de gens tombent dans la mécréance à cause de la colère, à cause de la colère. Ils insultent leur créateur ou ils insultent un des signes de la religion, un des signes emblématiques de l'islam, comme la prière ou autre. وقد يوصل الغضب إلى القتل ظلما إلى قتل شخص ظلما. Il arrive que la colère fasse arriver la personne à tuer injustement. Ou il a qatir adir rahim, à rompre les liens avec ses proches parents. Ou il a ghayri dhalika min al-mafasid, et d'autres choses mauvaises. Thumma tarku at-tana'umi fihi khayr. Délaisser le superflu est un bien. At-tana'umu jarra kathiran min ahli al-ilmi ila al-halak. Il y avait des savants, des gens qui ont la science. Parce qu'ils ont profité du superflu, ça les a menés à leur perte. من تعود التنعم إذا اختلف عليه الحال ينجر إلى الحرام. Celui qui s'habitue au superflu, si la situation change et qu'il devient pauvre, il ne peut plus se payer ce superflu qu'il avait, il peut avoir recours à l'interdit. ترك التنعم أقرب للاستعداد للآخرة. Délaisser le superflu aide à se préparer pour l'au-delà. وأبعد عن مد اليد للحرام. Et éloigne la personne et de ce qui est interdit. Ça aide la personne à ne pas tendre la main pour ce qui est interdit. ثم قال رحمه الله أنتم الآن في سن الشباب فاغتنموا هذه الفرصة. Et le cheikh, que Dieu lui agré, a dit, vous êtes maintenant jeune, alors profitez de cette occasion. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنموا خمسا قبل خمس. Le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a dit ce qui signifie profitez de cinq choses avant cinq autres. هذا الحديث فيه اغتنم شبابك قبل هرمك. Dans ce hadith, il y a profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. الإنسان يعجز في الهرم عما كان يستطيعه في شبابه من أعمال البر. L'homme, lorsqu'il devient vieux, il est incapable de faire ce qu'il pouvait faire comme acte de bien quand il était jeune. فمن اغتنم شبابه لا يندم إذا جاءه الهرم. Celui qui aura profité de sa jeunesse, il ne va pas le regretter quand il va devenir vieux. لكن الكسل داء. Mais la paresse, c'est une maladie. الشاب إذا استولى عليه الكسل فاتته الفرصة. Le jeune, lorsqu'il est sous l'emprise de la paresse, il rate l'occasion. الكسل استعاد منه الرسول صلى الله عليه وسلم. Le messager nous a enseigné de demander à être préservé contre la paresse. من جملة دعاء الرسول أعوذ بك من العجز والكسل. Parmi les invocations du prophète, أعوذ بك من العجز والكسل. Oh Allah, je te demande la préservation contre la faiblesse de l'ardeur et contre la paresse. La faiblesse de l'ardeur et contre la paresse. ثم قال الشيخ نحن الحمد لله في هذا الشهر أخذنا عادة جيدة علينا أن نواصل. قال الشيخ التبكير بالاستيقاظ نافع للدين والدنيا. التبكير بالاستيقاظ نافع للدين والدنيا. Et le cheikh a dit, puisque nous sommes donc dans ce mois, nous avons pris de bonnes habitudes de se lever tôt pour faire la prière de l'aube à son temps. Le cheikh a dit, se lever tôt est quelque chose de profitable pour la religion et pour la vie du bon monde. Celui qui commence sa journée tôt, c'est quelque chose de bien pour lui. عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثا قبل قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة فقال رجل منا لم يخرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. D'après عمر بن الخطاب que Allah l'agré, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ce qui a envoyé un bataillon qui a gagné beaucoup un grand butin et qui sont revenus rapidement. Alors un homme d'entre eux qui n'était pas sorti avec ce bataillon a dit, je n'ai jamais vu un bataillon aussi rapide pour aller et revenir et avoir un meilleur butin. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ce qui signifie, voulez-vous que je vous enseigne comment faire pour avoir un meilleur butin et un retour encore plus rapide. قوم شاهدوا صلاة الصبح يعني جماعة ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. حديث رواه الترمذي. Le messager a dit, c'est le cas de gens qui font la prière de الصبح en assemblée, puis qui restent à évoquer Dieu jusqu'à ce que le soleil se lève. Ces gens-là sont plus rapides en retour et ont un meilleur butin. وقال رضي الله عنه حديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. فهو في ذمة الله معناه له عهد من الله. من صلى الصبح في وقتها وجماعة إن استطاع يكون له عهد من الله فالذي يؤذيه في ذلك اليوم الله ينتقم منه. Et notre cheikh que Allah l'agré a dit, il y a un hadith qui est rapporté par Muslim. Celui qui fait la prière de As-Subh, il est sous la protection de Dieu. Alors, regarde, ô toi fils de Adam, tu es sous la protection de Dieu, personne ne pourra te nuire. C'est-à-dire que il a une promesse de la part de Dieu, celui qui fait la prière de As-Subh dans son temps, s'il peut en assembler. Il aura une promesse de la part de Allah. Celui qui lui nuit ce jour-là, Allah le venge. لذلك مطلوب أن يصلي الإنسان الصلاة جماعة وخاصة صلاة الصبح. Et c'est pour cela que c'est important de faire la prière en assemblée et surtout la prière de الصبح. الجماعة قال الشيخ ملازمتها فيها سر. Le cheikh a dit le fait de faire tout le temps la prière en assemblée, il y a un secret en cela. Il y a un secret dans le fait de faire tout le temps la prière en assemblée. قال الشيخ كان في هرر في بلاده عالم جليل اسمه الشيخ إبراهيم بدر رضي الله عنه. قال ما فاتتني صلاة الجماعة في كل عمري إلا 11 مرة. Et notre cheikh parle d'un savant de sa ville, Harar. Il s'appelle le cheikh Ibrahim Badr. Il a dit, de toute ma vie, je n'ai raté la prière en assemblée que 11 fois. C'était un saint vertueux. Il allait auprès de la tombe d'un grand saint qui était connu à Harar, qui s'appelle le cheikh Abadir. Il s'asseyait et discutait avec l'autre saint qui est dans sa tombe. Allah Ta'ala, il donne à qui il veut. Allah, il est sur toutes choses tout puissant. Qala al-shaykh al-rasul qala sawu bayna awladikum walau fil qubal. Sawu bayna awladikum walau fil qubal. Le cheikh a cité le hadith du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, soyez juste, équitable entre vos enfants, même dans les bisous. Soyez équitable entre vos enfants, même dans les bisous. Al-Rasul amara bit taswiyati bayna al-awlad hatta fil qubal. In taraka at-taswiyata fil qubal bayna al-awlad makruh. Donc même dans le fait d'embrasser ses enfants, le messager a dit d'être équitable entre eux. Celui qui ne les embrasse pas, il embrasse un plus qu'un autre, il a commis un déconseil. On ne dit pas qu'il a commis un péché, il a commis un déconseil. قال سيدنا علي رضي الله عنه الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب. Notre maître Ali, que Allah l'agré, a dit, ce qui est licite dans le bas monde, on va en rendre compte. Et ce qui est interdit, ce sera une cause de châtiment. معناه الذي يجمع المال بالحلال يسأل يوم القيامة لكن لا يعاقب. Ça veut dire que celui qui collecte son argent d'une voie licite, il sera interrogé au jour du jugement, mais il ne sera pas châtié. الذي جمع بالحلال لا يحصل له انزعاج. Celui qui aura ramassé son argent d'une voie licite, il ne sera pas dérangé au jour du jugement. أما الذي جمع من حرام فيستحق أن يعذب. Quant à celui qui a eu son argent d'une voie interdite, il mérite d'être châtié. يستحق أن يعاقب. الله تعالى خلق البشر على أحوال شتى. Allah a créé les humains avec différentes sortes, différents comportements et caractères. خلق أناسا وكتب لهم رزقا حلالا واسعا جدا. Il a créé des gens. Il aura prédestiné une large subsistance et licite. وخلق أناسا وكتب أنهم يجمعون المال بالحرام ويصرفونه بالحرام. Il a créé des gens, il a prédestiné que ces gens-là ramassent leur argent d'une voie interdite et ils le dépensent dans des choses interdites. كان في حلب رجل يقال له عثمان باشا تركي. هذا رزقه الله المال الحلال الكثير الكثير. Il y avait à Alep, une ville au nord de la Syrie, un homme qui s'appelait Osman Pasha. C'était un Turc. Allah lui a donné beaucoup d'argent licite, énormément. Bana masjidan, la'allahu ayyam as-sultan Abdul Hamid am qablahu. Il a fait construire une grande mosquée. C'était peut-être à l'époque du sultan Abdul Hamid ou avant lui. Bana masjidan kabiran ka'annahu qal'ah. Il a fait construire une grande mosquée comme une citadelle. Alladhi yuhallilu aw yuharrimu bighayri dalilin shar'iyyin falahu al-waylu fil akhirah. Celui qui dit que telle chose est halal, telle chose est haram, sans preuve dans la loi de l'islam, il aura le malheur au jour du jugement. في ذلك اليوم الذي يسأل العبد عن المال من أين أخذه الذي يسأل العبد عن المال من أين أخذه وفيما صرفه. Ce jour-là, lorsque l'esclave sera interrogé à propos de son argent, d'où est-ce qu'il a obtenu et en quoi il l'a dépensé. فإن أخذه بطريق أحله الله وصرفه بطريق أحله الله سلم ونجا وإلا فهو مستحق عذاب الله. S'il a obtenu son argent d'une voie qu'Allah a rendue licite et il a dépensé dans des voies qui sont licites, il est sauvé, sinon il mérite le châtiment de Allah. ورد في الحديث الصحيح أن العبد يسأل يوم القيامة من قبل الله ألم أصح جسمك وأرويك من الماء البارد هذا من جملة النعم التي يسأل عنها يوم القيامة. Il est parvenu dans le hadith authentique que l'esclave sera interrogé au jour du jugement de la part de Dieu, n'est-ce pas que je t'ai donné une bonne santé, n'est-ce pas que je t'ai donné à boire de l'eau fraîche. Tout cela fait partie des bienfaits à propos desquels l'esclave sera interrogé au jour du jugement. هذا الماء البارد الذي ينتفع به بشربه وصحة جسمه هذا يسأل عنه يوم القيامة. L'eau fraîche qui profite au corps, qui amène de la satisfaction et qui réveille la personne, c'est un plaisir, c'est un bienfait. Même cela, l'esclave en sera interrogé au jour du jugement. فَإِذَا كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا فَفِيمَ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا السُّؤَالِ أَوْلَى. Donc si déjà pour la gorgée d'eau fraîche il sera interrogé, a fortiori, à plus forte raison, il sera interrogé à propos de plus que cela. أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُفَكِّرُونَ فِي مَا يُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. La plupart des gens ne pensent pas à ce qu'il va leur être dit au jour du jugement. من أين أخذت هذا المال؟ D'où est-ce que tu as eu cet argent؟ المال إن أدخله من حلال وإن أخرجه في الحلال ما عليه عقوبة. L'argent s'il l'obtient d'une voie licite, qu'il le dépense dans une voie licite, il n'aura pas de danger pour lui, il n'aura pas de mal. نسأل الله تعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه. Nous demandons à Allah تعالى qu'il nous suffise par ce qui est licite au dépend de ce qui est interdit. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'allamna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'allamna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min kulli khayrin sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu 'alayhi wa sallam wa na'udhu bika min kulli sharri ista'adha bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu 'alayhi wa sallam. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم يا أرحم الراحمين تقبل منا قيامنا وصيامنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك التوابين. اللهم تب علينا واغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا. اللهم اجعلنا من الذين يتعلمون علم الدين. اللهم اجعلنا من الذين لا يشبعون من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.